2. Un jour, je lui dis, « La philosophie vous manque, j'entends celle que les Allemands appellent métaphysique. Vous avez des savants, vous n'avez pas de penseurs. Votre Dieu vous gêne, il est la cause suprême et vous n'osez raisonner sur les causes par respect pour lui. Il est le personnage le plus important de l'Angleterre, je le sais. Et je vois bien qu'il le mérite, car il fait partie de la Constitution. Il est le gardien de la morale. Il juge en dernier ressort dans toutes les questions. Il remplace avec avantage les préfets et les gendarmes, dont les peuples du continent sont encore encombrés. Néanmoins, ce haut rang a l'inconvénient de toutes les positions officielles. Il produit un jargon, des préjugés, une intolérance et des courtisans. Voici tout près de nous le pauvre M. Max Millier, qui, pour acclimater ici les études sanskrites, a été forcé de découvrir dans les Védas l'adoration d'un dieu moral, c'est-à-dire la religion de Paley et d'Addison. Il y a 15 jours à Londres, je lisais une proclamation de la reine, qui défend aux gens de jouer aux cartes, même chez eux le dimanche. Il paraît que si j'étais volé, je ne pourrais appeler mon voleur en justice, sans prêter le serment théologique préalable. Sinon, on a vu le juge renvoyer le plaignant, lui refuser justice, et il n'a juré par-dessus le marché. Chaque année, quand nous lisons dans vos journaux le discours de la couronne, nous y trouvons la mention obligée de la divine providence. Cette mention arrive mécaniquement, comme l'apostrophe aux dieux immortels à la 4e page d'un discours de rhétorique. Et vous savez qu'un jour, la période pieuse, ayant été omise, on fit tout exprès une seconde communication au Parlement pour l'insérer. Toutes ces tracasseries et toutes ces pédanteries indiquent à mon gré une monarchie céleste. Naturellement, celle-ci ressemble à toutes les autres. Je veux dire qu'elle s'appuie plus volontiers sur la tradition et sur l'habitude que sur l'examen et la raison. Jamais monarchie n'invita les gens à vérifier ses titres. Comme d'ailleurs la vôtre est utile, voulue et morale, elle ne vous révolte pas. Vous lui restez soumis sans difficulté. Vous lui êtes attaché de cœur. Vous craindriez, en la touchant, d'ébranler la Constitution et la morale. Vous laissez au plus haut des cieux parmi les hommages publics. Vous vous repliez, vous vous réduisez aux questions de fait, aux dissections menues, aux opérations de laboratoire. Vous allez cueillir des plantes et ramasser des coquilles. La science se trouve décapitée, mais tout est pour le mieux, car la vie pratique s'améliore et le dogme reste intact.